ces mots ne te pose pas de questions. Vivi, si t'es un tout, et bien, y'aura pas de limite. Je ne sais pas sentir.